Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Cela aurait pu être pour La tête contre les murs, Les yeux sans visage ou pour Judex, mais c'était pour Thérèse Desqueyroux que Michel Pollack recevait Georges Franju, accompagné d'Emmanuel Riva, pour deux numéros d'Histoire sans images en 1967. Ensemble, ils commentaient et rejouaient le film tourné 5 ans plus tôt. Entendre Franju est toujours la garantie de passer un moment réjouissant. Pour sa verve, sa grande culture, son esprit et l'allégresse avec laquelle il ne manquait jamais de tirer à vue sur ses contemporains. Cette fois-là, après avoir égratigné Mauriac, c'était notamment Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet que Franju dégommait joyeusement. Que cela ne décourage pas les défenseurs du nouveau roman, les admirateurs de ces deux écrivains, puisque c'était fait dans la bonne humeur, avec le talent et le brin de folie qui caractérisaient Georges Franju. Histoire sans images, une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, Thérèse Desqueyroux, deuxième partie, lue par Emmanuel Riva, avec la participation de Georges Franju. Le mois dernier, nous vous avons présenté la première partie de Thérèse Desqueyroux, non pas le célèbre roman de François Mauriac, mais l'adaptation cinématographique de Georges Franju. Ce scénario était lu par Emmanuel Riva. Dans cette première partie, nous avons vu Thérèse Desqueyroux sortir acquittée du palais de justice de Bordeaux et revivre dans la voiture, dans ce qu'on appelle un flashback, revivre toute l'aventure et tout l'itinéraire de l'empoisonnement. Il y a l'histoire de son mariage, Thérèse Desqueyroux adolescente avec son amie Anne, et cette adolescence a de l'importance, surtout aux yeux de Franju, puis le mariage avec Bernard et une subtile mésentente dans le ménage. Il y a la naissance de l'enfant, l'attirance de Thérèse pour Azevedo, ce jeune intellectuel juif que Anne voudrait épouser malgré l'opposition de sa famille. Puis Bernard a quelques troubles de santé et doit prendre des gouttes à l'arsenic. Et c'est la première tentation de l'empoisonnement. Mais avant de vous faire entendre la deuxième partie de la lecture par Emmanuel Riva, voici un extrait d'une conversation à bâton rompu que nous avons eue tard un soir avec Georges Franju. Il nous parle de l'œuvre et du personnage. Est-ce que c'est vous-même qui avez proposé l'adaptation du roman de François Mauriac, ou est-ce que ce sont les hasards du cinéma, qui sont toujours assez surprenants, qui vous ont amené cette adaptation sur votre bureau? Ce sont les hasards du cinéma qui ont fait que Eugène Lépicier, sans apostrophe, m'a proposé Le Nœud de Vipère. Or, je n'aime pas l'œuvre de Mauriac, et je déteste Le Nœud de Vipère, qui est un roman d'homme, où il n'y a pas de héros, ou plutôt le héros est un vieillard, personne n'est récupérable et tout le monde est racheté. Ce qui me déplaisait fort. Par contre, j'avais lu Thérèse Desqueyroux et j'aimais le personnage de Thérèse, personnage libéré à la fin du roman. Thérèse Desqueyroux est rachetée à la suite par deux romans horribles, Plongée et La fin de la nuit, que je veux ignorer. J'ai donc proposé à Eugène Lépicier, le producteur de Mauriac, enfin, il avait les droits pour l'ensemble de l'œuvre du père François, j'ai proposé Thérèse Desqueyroux, parce que je connaissais un peu Emmanuel Riva, et je pensais que je ne pouvais pas me sortir de ce roman si, non seulement un personnage, mais une personne, une jeune femme, aussi éblouissante que Emmanuel Riva, ne pouvait en assumer le rôle. Parce que je connaissais un peu Emmanuel Riva, je savais qu'elle était secrète, qu'elle était troublée et par conséquent troublante, que dans cette mesure, elle ressemblait à cette Thérèse de François Mauriac, que d'autre part, elle était une petite provinciale, que c'était une fille infiniment subtile, infiniment complexée, comme l'était la Thérèse de Mauriac, qu'elle avait quitté sa famille pour vivre sa vie à Paris, mais qu'à la différence de la Thérèse de François Mauriac, elle avait relativement réussi à Paris, alors que la Thérèse de Mauriac échouait dans la suite. C'est pour cette raison-là que je voulais, à la fin, libérer. Je savais que Emmanuel Rivin ne jouait pas ses rôles, mais qu'elle les vivait. Je savais aussi que la Thérèse de Mauriac ne jouait pas ses rôles, mais qu'elle les vivait. C'est-à-dire que c'était un personnage méditatif. Ce personnage méditatif appartient à la littérature moderne. Mais que c'était aussi un personnage actif. En ce sens, qu'elle était une insurgée morale. Et que c'était l'ensemble des deux Thérèses. Ce personnage ambivalent, c'est-à-dire qui reçoit deux influences. L'une de son adolescence troublée et intelligente. L'autre de son envie de se caser. De cet instinct qu'ont les femmes de se caser, de trouver une protection, donc de se marier, de ce mariage raté, et de ces deux Thérèses que naissait ce personnage, le sentiment supérieur de la révolte. Je connaissais assez Manuel Rivin pour savoir qu'il ressemblait à Thérèse, et moralement, et physiquement. C'est la raison pour laquelle, s'il n'y avait pas eu Emmanuel Rivin, je n'aurais jamais fait Thérèse. Mais alors, oui. Par exemple, vous avez commencé par retirer du livre des passages que vous vouliez vraiment utiliser, et ensuite vous avez fait votre scénario et vous les avez replacés au moment où ils vous convenaient. Voilà. D'autre part, il y avait un problème qui ne me concerne pas, parce que la confusion des temps appartient à Monsieur Proust, elle n'appartient pas à Monsieur Robbe-Grillet. Le mélange des temps, la confusion des temps, est littéraire et n'est pas cinématographique. Je crois que le cinéma automatiquement actualise tout. La difficulté, c'est d'écarter le présent du passé. Ça n'est pas comme le fait Robbe-Grillet et les gens de la littérature de rapprocher le passé du présent. Le spectateur le fait automatiquement puisque l'image est là pour ça. Le problème du cinéma est le contraire. Le problème du cinéma est un problème d'espace. Ça n'est pas un problème de temps puisque le cinéma est un problème de mouvement. Ça me paraît ça. Déjà, hop, j'élimine Robbe-Grillet. Il n'y a pas besoin de dire, pour expliquer Mme Sarraute, moi quand je lis un roman, je veux bien savoir qui parle. Je n'ai pas besoin d'avoir une théorie à Sarraute. On ne sait pas qui parle. Alors, comme on ne sait pas qui parle, vous dites, évidemment, Emmanuel ne parle pas comme moi. Alors, on réfléchit. Ça devient urbain, la littérature. Ce n'est pas une distraction. Qui parle? Ah, Emmanuel ne parle pas comme moi. Donc, c'est Emmanuel qui parle. Ce n'est pas frangu. Ce n'est pas la même conversation. Et à l'aide de ça, on plonge à l'intérieur du spectateur. On fait de la psychologie des profondeurs. Quand Dumas disait « Nous excusons auprès du lecteur de le reporter 5 ans en arrière », il était au moins poli. Et oui. Alors que ces gens-là n'ont qu'une chose pour eux, c'est l'impolitesse. Moi, j'ai lu les philosophes, j'y connais fort bien, j'ai lu Freud avant M. Robbe-Grillet, je n'ai pas besoin qu'on me plonge dans l'intérieur personnel pour me parler d'une roue de vélo. Pour me parler d'une roue de vélo, j'ai besoin d'un mécanicien. Si Proust appelait son admirable suite à la recherche du temps perdu, c'est qu'il a fait le boulot avant Robbe-Grillet, et puis lui, il a résolu le temps perdu. Robbe-Grillet perd son temps à écrire mal. Oui, il y a le truc, c'est que Thérèse, ils ont foutu un suspense à l'envers. Voilà, un truc, un cri, on ne connaît rien. Mais alors, on dit flashback, retour en arrière, c'est une malice littéraire. Je m'excuse, mais comment faire le film autrement? Les flashbacks sont des liens. C'est-à-dire que Thérèse est dans la voiture et sa voix est un lien entre toutes les scènes vues en arrière. Déjà ça, c'est pas François Mauriac. Parce qu'avant, elle s'arrête dans une gare, je sais pas où, elle voit des chrysanthèmes. Puis un gosse qui passe en vélo, ça recommence, elle descend de voiture et parle. Ça, c'est pas tolérable dans un film. Il faut que la rupture du temps soit faite, mais qu'il y ait une continuité, un lien qui ne pardonne pas. Étant entendu, comme toujours, que je suis réaliste. Ce qu'on voit, on le voit. On peut dire, je suis là, je suis demain, je suis là. Ça fait rien, c'est une progression dramatique, pas dramatique, cinématographique. Ça, c'est tout. Bon, alors nous avons parlé de flashback, eu égard au fait que Claude Moret m'a dit « Ne traitons pas l'adolescence ». Or, je prétends que si on n'avait pas traité l'adolescence dans Thérèse Desquéroux, on ne comprendrait pas pourquoi Thérèse dit « Ma nuit de noces, ce fut horrible. » On ne comprendrait pas. Parce que rien de subtil ne reste dans François Mauriac, qui est dans son côté, disons, chargé d'une certaine libido. En plus, elle est chrétienne, celle-là. Alors que Thérèse a ce côté révolté et insurgé qui est parfait. Thérèse, au fond, est un personnage antique et traditionnel. Ce que j'aime chez les personnages provinciaux, c'est que ce sont des personnages stables. Les intellectuels changent, puisque les intellectuels sont des personnages intelligents. Donc, suivent la mode, comme Godard, les gens qui travaillent, non pas dans l'opportunité, mais dans la mode. Or, la mode change. La province ne change pas. Et c'est pour ça que Thérèse Desquerro est un personnage stable et permanent. Parce qu'il sera toujours provincial. Parce qu'il sera mondial, parce que provincial. Pas un personnage à la mode, mais provincial et stable. Et Thérèse de la partout. Ça qui est merveilleux chez Mauriac. Vous savez que Claudel disait en parlant de Mauriac, d'ailleurs j'ai dit à François Mauriac, je ne comprends pas pourquoi on donne le prix Nobel à un écrivain régionaliste, disait Claudel. Mais tous les grands écrivains sont des écrivains régionalistes. Tous les écrivains parisiens sont de l'Académie Goncourt. Tous les écrivains de l'Académie française sont des provinciaux. Et oui, et voilà la différence entre Cocteau et Mauriac. C'est que Mauriac traverse une région. Il prend une maison, sa maison landaise. Il pique un personnage. Il s'appelle Thérèse Desquerro. Il rentre à l'intérieur de ce personnage. Il en fait son héroïne. À partir de ce moment-là, où il prend une héroïne qui a ses troubles à lui, François Mauriac, élevé catholiquement. Donc plein de troubles, plein de complexes. Avec le charme qu'ont les complexes. Avec l'explosion qu'ont les complexes. Parce qu'à partir du moment où vous convergez dans quelque chose, avec une chance qu'il arrive quelque chose, c'est que ça explose. Ça, c'est Thérèse. Ça, c'est Mauriac. Ça, c'est la révolte. À partir du moment où vous convergez, vous divergez, c'est Kafka. Cocteau, c'est le contraire. Chez Mauriac, on souffre. Chez Cocteau, on rêve. Cocteau ne traverse pas une région, il traverse une époque. Mais une époque qu'on a oubliée. C'est ça, hélas. Alors que la région, le côté régionaliste, on l'a pas oublié. On l'a oublié très vite. Parce que les cons sont stables et que les intellectuels changent. Tout est là. Nous sommes dans la voiture de Thérèse. Elle a le visage douloureux. Elle regarde dehors avec intensité. Des gouttes d'eau font comme des larmes sur ses joues. Voix du récitant. La voici au moment de regarder en face l'acte qu'elle a commis. Quelle explication fournir à Bernard ? Rien à faire que de lui rappeler point par point comment la chose arriva. On voit l'église de Saint-Clair, le clocher de l'église. Du haut du clocher, le curé de Saint-Clair et un autre homme, face au soleil, regardent à l'horizon, la main en visière sur les yeux. Récitant, c'était le jour du grand incendie de Manou. L'homme qui est descendu du clocher entre dans le jardin de la maison Latrave à Saint-Clair. Il passe la grille, il entre en courant dans le jardin. Il va parler, mais la voix de Bernard, hors champ, lui coupe la parole. Bernard, alors Langlade, les nouvelles. Thérèse et Bernard déjeunent en hâte. Thérèse est assise à table. Elle ouvre des amandes fraîches et n'a pour l'homme qu'un regard sans curiosité. Bernard est debout, son assiette à la main, au centre du cadre. Il finit de mâcher un œuf dur. L'homme du clocher, c'est encore assez éloigné de Saint-Clair. Mais tout de même, sentez cette odeur de brûlé. Le parfum de la résine brûlée imprègne jusque dans la maison ce jour torride. L'homme. Et justement, monsieur le maire qui n'est pas là. Un autre homme arrive, suffoquant, il reprend sa respiration. On entend le tocsin. L'homme dit à Bernard, hors champ et vers la gauche. Ah, le tocsin, ça devient sérieux. Bernard, toujours debout, pose son assiette sur la table. Il est préoccupé, anxieux, Thérèse indifférente, étrangère à cette agitation, désintéressée de ce drame, comme de tout drame autre que le sien, croque ses amandes fraîches. Bernard prend sur un buffet qui est derrière lui son flacon de Fowler. Il se verse un demi-verre d'eau et dit « Le mieux est que j'aille me rendre compte par moi-même. » Bernard est visiblement tourmenté par cet incendie. Il se verse les gouttes. La main de Bernard fait tomber dans le verre une grosse quantité de Fowler. On voit Thérèse qui regarde la main de Bernard. Peut-être va-t-elle parler. Abrutie de chaleur, elle ferme à demi les yeux. Elle ne dit rien. Bernard, vu par Thérèse, avale d'un coup le remède. Il sort, suivi par les deux hommes. Il se dirige en hâte vers le jardin. Derrière la grille, dans la rue, on voit des gens qui courent tous dans la même direction. On voit Thérèse qui vient vers la porte. Elle marche lentement. Elle regarde dehors par la porte hors champ vers la droite et très près de l'appareil. On entend les cris des enfants, les pas précipités des villageois. Avec nonchalance, Thérèse mange ses amandes. Nous sommes sur la route à la sortie du bourg. Bernard et les deux hommes sont sur la route. D'autres hommes, des femmes et des enfants accourent. Certains s'arrêtent, d'autres continuent leur chemin. Le soleil est ardent. Bernard et les deux hommes stoppent. Ils regardent au loin. Un point hors champ. Bernard dit « C'est du côté de Manot. » Nous sommes dans la forêt de pins. Une épaisse colonne de fumée monte dans le ciel. L'homme du clocher dit « Ça a tourné. » L'autre homme « On ne sait jamais. » Bernard « Ça dépend du vent. » Bernard et les deux hommes regardent toujours l'incendie. Bernard est anxieux. Il demande « D'où vient le vent ?» Sans hésiter, l'homme du clocher répond « Nord-Est. » Bernard, égoïstement, est rassuré. Il dit aux deux hommes « C'est bien ce que je pensais, alors aucun danger. » Bernard et les deux hommes retournent vers le bourg. En sortant du bourg, on rencontre une voiture de pompiers. Les trois hommes ne sont plus dans le champ. La voiture s'éloigne sur la route en direction de l'incendie. Nous revenons dans la cuisine de la maison Latrave. Bernard entre. Il a un mouvement de saisissement et sur le seuil marque un temps d'arrêt. Il regarde Thérèse hors champ et vers la gauche. Thérèse est assise à la table, elle a allumé une cigarette. Elle regarde brûler son allumette. Détachée de tout, lentement, elle la souffle. La fumée sort de sa bouche, on entend la voix de Bernard, qui est mécontent. « Tu fumes trop, tu t'intoxiques. » Thérèse le regarde sans expression. Bernard vient s'asseoir près d'elle. Il se repent. Soulagé, il dit à Thérèse « Pour une fois, tu as eu raison de ne pas t'agiter, c'est du côté de Manou que ça brûle, aucun danger pour mes pains. » Bernard « Est-ce que j'ai pris mes gouttes ?» Sans attendre la réponse de sa femme, Bernard fait tomber à nouveau dans son verre des gouttes de Fowler. Thérèse, épuisée, moite, s'essuie la tempe avec un mouchoir. Elle est absente. Par paresse, sans doute par fatigue, elle se tait. On voit Bernard qui avale son médicament. Voix de Thérèse. Je n'avais pas prémédité de me taire. Chambre de Thérèse et Bernard, maison Latrave. On pique sur le jardin de Saint-Clair, c'est la nuit. Il y a un chat de couleur claire qui rôde dans le jardin. Voix de Thérèse. Pourtant, cette nuit-là, lorsque le docteur Pédemé m'interrogea sur les incidents de la journée, je ne dis rien de ce que j'avais vu à table. Il eût pourtant été facile, sans me compromettre, d'attirer l'attention du médecin sur l'arsenic que prenait Bernard. Mais je demeurai muette. Éprouvais-je seulement la tentation de parler ? Récitant. L'acte qui, durant le déjeuner, était déjà en elle à son insu, commença alors d'émerger du fond de son être, informe encore, mais à demi baigné de conscience. C'est l'heure du déjeuner, à table, le couvert est mis. Thérèse regarde le couvert de Bernard hors champ. Voix de Thérèse. Je n'avais pas du tout le sentiment d'être la proie d'une tentation horrible. Il s'agissait d'une curiosité un peu dangereuse à satisfaire. Thérèse se dirige vers la fenêtre. Elle regarde furtivement à l'extérieur. Elle voit Anne qui pousse la voiture d'enfant, qui parle et sourit au bébé, Madame de la Trave qui fait les 100 pas. Et elle revient vers la table. Elle s'immobilise devant le couvert de Bernard. Elle est comme fascinée par la fiole d'arsenic. Le visage de Thérèse n'est plus dans le champ. D'une main précise, elle verse l'eau dans le verre, ouvre la fiole et remplit le compte-goutte adapté au bouchon. Voix de Thérèse. Le premier jour où, avant que Bernard entrât dans la salle, je fis tomber des gouttes de fouleur dans son verre, je me souviens d'avoir répété une seule fois pour en avoir le cœur net. Je saurai si c'est cela qui l'a rendu malade. Une seule fois et ce sera fini. Trouvant dans la voiture au retour de Thérèse du palais de justice. Elle a le regard fiévreux, elle fixe la route. Récitant, Thérèse n'a plus rien à examiner. Elle retire un gant et caresse doucement sa face de brûlée vive. Elle baisse la glace de la portière, elle ferme à demi les yeux et respire l'air froid du dehors. Ses cheveux flottent au vent. Dehors, c'est la fantomatique forêt de pins qui défile. Le récitant, elle s'est engouffrée dans le crime béant. Elle a été aspirée par le crime. Ensuite, il y a la grande scène de la maladie de Bernard, puis un médecin est appelé de Bordeaux car son état empire et on découvre que Thérèse a truqué les ordonnances et elle est convoquée chez le juge d'instruction. Et le flashback se termine à cet instant, c'est-à-dire que le procès a eu lieu et s'est terminé par un non-lieu. Et elle retrouve donc à la fin de cette longue promenade en voiture pendant laquelle elle s'est souvenue de toute cette histoire, elle va retrouver Bernard. Récitant, Thérèse avait vécu jusqu'à ce soir comme un être traqué. Maintenant que la voilà sauve, elle ne songe pas sans terreur qu'entre elle et Bernard, rien ne sera plus que ce qui fut réellement. Voix de Thérèse. Ah, le seul geste possible, Bernard ne le fera pas. S'il ouvrait les bras pourtant, sans rien demander. Thérèse est arrivée à la maison des Desqueroux, à Argelouze. Elle descend de voiture. Bernard est sur la porte. Thérèse marche vers Bernard. Elle lui annonce non-lieu. Bernard, c'était couru. Bernard a le visage dur. Il s'efface devant Thérèse qui entre. Bernard la suit et referme la porte. Ils sont dans le vestibule. Il lui montre du geste le couloir. Thérèse résignée s'y engage. Ils sont dans le petit salon. Bernard ouvre la porte. Il s'efface toujours devant Thérèse qui entre. Elle s'arrête derrière un fauteuil placé devant la cheminée, pose son sac au fond du fauteuil, enlève son manteau, le jette sur le dossier et, très lasse, s'assied. Elle regarde le feu qui brille dans la cheminée. Bernard, au moment de décider, hésite. Il déplace une lampe. Il paraît à la fois intimidé et solennel, récitant. La seule approche de cet homme avait réduit à néant son espoir de s'expliquer, de se confier. Thérèse regarde le feu. Elle est immobile. Lentement, elle tourne la tête. Elle regarde, à la dérobée, Bernard, hors champ, récitant. Et du premier coup d'œil, il lui apparaissait tel qu'il était réellement, celui qui ne s'est jamais mis, fût-ce une fois dans sa vie, à la place d'autrui. Thérèse. Bernard. Bernard se retourne brusquement. Thérèse. Laissez-moi disparaître, Bernard. Bernard, en quelque enjambée, rejoint Thérèse, les veines de la face gonflées, lui dit « Quoi ? Vous osez avoir un avis ? Assez ! Pas un mot de plus ! Vous n'avez qu'à écouter, qu'à recevoir mes ordres. » Thérèse, que voulez-vous de moi ? Bernard, je ne cède pas à des considérations personnelles. Moi, je m'efface. La famille compte seule. J'ai consenti, pour l'honneur de la famille, à tromper la justice de mon pays. Dieu me jugera. Thérèse. Oh, le genre sublime. Je vous en prie. Bernard, il ne s'agit pas de faire l'esprit fort. Vous obéirez. Sinon, Thérèse, sinon quoi ? Vous avez témoigné en ma faveur. Vous ne pouvez plus vous déjuger. Vous seriez convaincu de faux témoignages. Bernard, on peut toujours découvrir un fait nouveau. Il n'y a pas prescription, Dieu merci. Il importe pour la famille que le monde nous croit unis et qu'à ses yeux, je n'ai pas l'air de mettre en doute votre innocence. D'autre part, je veux me garder le mieux possible. Thérèse, je vous fais peur, Bernard. Bernard, peur. Non. Horreur. Faisons vite et que tout soit dit une fois pour toutes. Je ne veux plus de votre tante malade chez moi. Dès demain, vos repas vous seront servis par baliante dans votre chambre. L'accès de toutes les autres pièces vous demeurera interdit. Le dimanche, nous assisterons ensemble à la grand-messe. Il faut qu'on vous voie à mon bras. Thérèse. Et Marie ? Bernard, Marie part demain chez ma mère et puis dans une semaine je l'amènerai à Beaulieu. Vous n'espériez pas tout de même qu'on allait vous la laisser. Il faut la mettre à l'abri, elle aussi. Moi disparue, c'est elle qui, à 21 ans, aurait eu la propriété. Alors vous croyez que c'est à cause des pains que j'ai... Bernard, naturellement à cause des pains, pourquoi serait-ce ? Au reste, c'est sans importance et cela ne m'intéresse plus. Vous n'êtes plus rien. Ce qui existe, c'est le nom que vous portez, hélas. Dans quelques mois, lorsque le monde sera convaincu de notre entente, Cannes aura épousé le fils de Guilhem. Vous savez que maintenant, les deux Guilhem demandent à réfléchir. À ce moment-là, je pourrai enfin m'établir à Saint-Clair. Vous, vous resterez ici. Vous serez une neurasthénique ou autre chose, Thérèse. Folle, par exemple. Bernard, non, ça porterait tort à Marie, mais les raisons plausibles ne manqueront pas. Voilà. Thérèse ouvre la fenêtre du salon. Elle murmure à Argelouse jusqu'à la mort. Thérèse, croyez-vous donc que vous me retiendrez de force, Bernard ? À votre aise, mais sachez-le bien, vous ne sortirez d'ici que les poings liés. Thérèse, vous n'exposerez pas la famille à cette honte. Bernard, dans votre situation, partir, ce serait fuir. En quittant le pays, vous vous reconnaîtriez coupable. Que resterait-il alors à la famille pour échapper à l'opprobre, sinon de s'amputer du membre gangrené ? Thérèse. Mon père me reste. Bernard, votre père ? Mais nous sommes d'accord, entièrement d'accord. Il a sa carrière, les idées qu'il représente, il ne pense qu'à étouffer le scandale, coûte que coûte. Reconnaissez au moins ce qu'il a fait pour vous. Si l'instruction a été bâclée, c'est bien grâce à lui. D'ailleurs, il a dû vous exprimer sa volonté formelle, non ? Vous ne montez pas encore ? Thérèse demeure sans réaction. On entend les pas de Bernard qui se dirige vers la porte. Panoramique de bas en haut, découvrant dans la glace qui est au-dessus de la cheminée, Bernard qui sort du salon et referme la porte. On revient par un panoramique de haut en bas sur Thérèse prostrée qui enfouit sa tête dans ses mains. Et puis, elle tend ses mains vers le foyer mourant qui ne réchauffe plus. Soudain, elle entend ce qu'elle disait à Bernard tout à l'heure. Croyez-vous donc que vous me retiendrez de force ? Thérèse se lève, elle prend sur le fauteuil son manteau et son sac. Panoramique et travelling avant, suivant Thérèse qui de dos se dirige vers la porte-fenêtre qu'elle masque. Intérieur, petit salon, nuit. L'appareil est à l'extérieur. Thérèse de face vient vers la porte-fenêtre qui doit être une fenêtre. Elle l'ouvre. On entend un coq qui chante. Elle se penche au dehors, mesurant la distance et l'effort, s'apprêtant à enjamber l'appui, à fuir. Elle dégage le champ. Dehors, c'est presque l'aube. Le petit jour déjà éclaire le chêne monstrueux qui retient entre ses branches des lambeaux diaphanes de brouillard. À cet instant, Thérèse entend la réplique sèche de Bernard. À votre aise, mais sachez-le bien, vous ne sortirez d'ici que les poings liés. Thérèse se redresse, recule, repousse violemment la fenêtre. Doubler cette prise par un plan du chêne fantastique sans amorce de Thérèse qui pourrait être monté, vu par elle quand elle dit à Argelouse jusqu'à la mort. Thérèse se retourne vers l'appareil et sort du champ de face et par la droite. Nous sommes toujours dans le petit salon. Thérèse entre dans le champ de dos et par la gauche. Elle jette son manteau et son sac sur une chaise. L'appareil est axé vers la porte. Panoramique suivant Thérèse qui, tourmentée comme une bête en cage, tourne en rond dans le salon. Voix intérieure. Contre moi. Désormais, cette puissante mécanique familiale sera montée. Sans que rien ne paraisse au dehors, ils vont, avec leur lente méthode, m'anéantir. Elle s'arrête de marcher, elle regarde vers la porte qui est dans le champ. Et cette preuve que Bernard prétend tenir. Comment aurait-il découvert dans cette maison où nous ne venions jamais le poison que j'y avais caché ? Travelling avant, suivant Thérèse qui de dos sort du salon et referme doucement la porte. Vestibule, escalier, couloir de gauche. L'appareil dans la cage de l'escalier que la lumière du dehors, l'aube, éclaire très faiblement. Thérèse entre dans le champ par la gauche. Elle enlève ses chaussures qu'elle garde à la main. De trois quarts face, avec précaution, elle monte l'escalier, suivie en panoramique de gauche à droite. À mesure qu'elle monte, son visage est mieux éclairé. Arrivée sur le palier du premier étage, elle regarde avec méfiance vers la droite, par où Bernard est sorti. Elle écoute, et puis, suivie en panoramique de droite à gauche, elle s'engage dans le couloir de gauche et sort du champ. Thérèse, qui se sent prise au piège, a la tentation de la mort. Elle va rechercher dans une cachette le poison qu'elle veut utiliser pour maintenant se suicider. Elle a même la tentation d'entraîner son enfant dans la mort, mais après avoir contemplé le visage de son enfant endormi, elle retourne dans sa chambre et contemple le flacon de poison. On voit le paquet qui contient le poison. Sur le paquet, on lit « Darquet, pharmacien de première classe » et une bande rouge « Poison ». Thérèse a remis ses chaussures. Sur la table se trouve un plateau avec du poulet froid et une tasse de bouillon. Thérèse ouvre le paquet, elle hésite entre les trois fioles de poison, elle est terrorisée. Mais sa lâcheté l'humilie. Elle ouvre le flacon de chloroforme. Elle vide une grande partie du bouillon dans le poulet. Et dans le bouillon qui reste, elle verse entièrement le chloroforme. Voix du récitant. Thérèse verse le chloroforme dont le nom lui fait moins peur parce qu'il suscite des images de sommeil. À cet instant, on entend les pas de Baliante qui passent devant la porte de Thérèse. Thérèse rebouche rapidement le flacon et l'écoute. On entend Baliante qui ouvre la porte de la chambre de Tante Clara et qui crie « Mademoiselle !»« Hé, mademoiselle, c'est l'heure !» Thérèse prend le paquet de poison. Une fiole tombe, elle la ramasse. Panoramique suivant tout le mouvement de Thérèse qui rapidement s'en va cacher le poison sous son oreiller. On entend les volets de Tante Clara qui sont rabattus. De nombreux coqs chantent que nous entendrons faiblement. De nouveau, Baliante hurle « Mademoiselle Clara, vous m'entendez ?» Thérèse est revenue près de la table. Elle est de trois quarts face. En plein américain, elle prend la tasse, la regarde. On entend Baliante. Baliante « C'est l'heure !» Comme un automate, Thérèse porte la tasse à ses lèvres. Travelling avant sur Thérèse jusqu'à gros plan, un silence, et c'est encore la voix affolée cette fois de Baliante. Ça alors ! Ça alors ! Les pas précipités de Baliante viennent vers la chambre de Thérèse. Thérèse arrête son geste, elle regarde vers la porte hors champ. La porte de la chambre de Thérèse s'ouvre, Baliante entre sans frapper, regardant Thérèse hors champ, elle crie « Mademoiselle est morte ! Je l'ai trouvée morte sur son lit, tout habillée !» Baliante sort, elle laisse la porte ouverte. Thérèse regarde en direction de la porte hors champ, sa main tremble tellement qu'elle repose la tasse. Ce sont des plans très frangus qui suivent, puisqu'il s'agit de l'enterrement de Tante Clara. Le dimanche suivant, nous nous retrouvons à la messe, et pendant la messe, nous entendons la voix du récitant. Thérèse pénétra dans l'église ostensiblement avec Bernard. On voit tout le monde de face, au centre Thérèse, son voile de deuil est relevé. Bernard est à sa droite, Madame de la Trave est à sa gauche. Autour d'eux et derrière eux, la foule. Récitant. En face d'elle, il n'y avait rien que le cœur. Cerné de toutes parts, cela seulement lui était ouvert, comme l'arène au taureau qui sort de la nuit, cet espace vide où, entre deux enfants, un homme déguisé et debout chuchote, les bras un peu écartés. On sent peu à peu se refermer une sorte de piège autour de Thérèse. La famille fait le vide et la séquestration de Thérèse va commencer. Nous sommes dans la chambre de Thérèse. Elle est de trois quarts face, assise dans le fauteuil devant le feu. qui est hors champ. Elle tient à la main un livre qu'elle lit. Agacée, elle ferme le livre, elle se lève. Travelling avant, suivant Thérèse, qui va à un rayonnage où se trouve une rangée de livres. Elle place son livre sur l'étagère, cherche un titre. Elle ne trouve rien qu'elle n'ait lu. Elle est toujours suivie en travelling avant. Elle se dirige vers une table basse sur laquelle il y a un tourne-disque. Près de l'appareil, une petite pile de disques. Thérèse s'assied sur le sol. Elle est de face. Sa cigarette à la bouche, elle compulse la pile de disques. Elle en sort un de sa pochette et le pose sur le tourne-disque. Elle retire sa cigarette de sa bouche, couche sa tête sur la table et l'écoute. Entre l'index et le majeur de la main repliés sur sa tête, la cigarette fume. Panoramique et travelling dans la chambre de Thérèse et sans coupe. Sur les murs, on voit la trace de cadres qui ont été enlevés ainsi que l'empreinte d'un médaillon. On passe sur les fenêtres mortes. Dehors, c'est la nuit noire. Tous les bibelots et objets de cette chambre ont été enlevés, sauf, sur la cheminée, un triple cadre de fausse écaille. On reconnaît sur chaque photographie pâle Madame de la Trave, jeune, Bernard, adolescent, et un troisième personnage qui doit être Monsieur d'Esquerou. Enfin, on cadre la porte. Trois coups assez forts sont frappés. Thérèse lève la tête, elle semble sortir d'un rêve. Elle a des larmes dans les yeux, mais elle ne pleure pas. Elle regarde vers la porte, elle arrête son disque. La porte de la chambre s'ouvre et Baliante entre, portant un plateau. Thérèse, où est la commande de livres et de disques que l'on a faite pour moi à Bordeaux? Cela fait au moins 10 jours que... Baliante, monsieur l'a annulé. Il a dit que c'était pas la peine. Il a dit qu'il permettait seulement que l'on renouvelle votre provision de cigarettes. C'est déjà bien bon de sa part, non? Dernier jour d'octobre, petit matin sombre, il pleut. Panoramique sur l'enceinte de la maison d'Esquerou, sur les communs, les chaînes mouillées, le puits. On découvre près du puits la voiture de Bernard dont le moteur tourne. De la fumée s'en échappe dans l'atmosphère froide. Le chien hors champ jappe joyeusement. Bernard, en costume de voyage, surveille Balion qui loge 2 valises dans le coffre. Bernard prend sa place au volant, la voiture démarre. Thérèse est couchée, elle ne dort pas. Elle fume. Elle entend le moteur de la voiture que Bernard met en marche. Elle tourne légèrement la tête dans la direction de la fenêtre hors champ. On entend la voiture de Bernard qui s'éloigne, le chien qui aboie toujours. Thérèse revient dans sa position première, récitant. Thérèse ne se leva pas ce jour-là, ne fit pas sa toilette, mangea à peine. Thérèse allume une cigarette avec le mégot de l'autre. Panoramique sur les chaînes géants d'Argelousse, paysage fantastique et désolé, temps sombre et pluvieux, récitant. L'après-midi n'était guère moins sombre que la nuit. En ces jours les plus courts de l'année, la pluie épaisse unifie le temps, confond les heures, un crépuscule rejoint l'autre. Dans le silence immuable. Les toits de la maison d'Esquerou, les tuiles rondes, la petite tour d'angle sous la pluie. La pluie sur les tuiles, sur le champ désert, sur 100 kilomètres de landes et de marais, sur les dernières dunes mouvantes, sur l'océan. Et malgré la longueur des journées, on ne s'aperçoit pas du temps qui passe. Thank you. La lumière dans la chambre enfumée par les cigarettes est allumée. Une poire électrique pend au dos du lit. Thérèse, dans son lit, est consumée, vieillie. Elle a un mégot à la bouche dont la cendre tombe sur les draps sales. Elle s'appuie sur son coude, écrase son mégot dans un cendrier posé sur une table qui a été placée près de son lit et qui est encore hors champ, prend sous la table un verre à demi plein de vin et le boit d'un trait. Elle repose le verre sous la table qu'on ne voit toujours pas, et puis elle regarde avec des yeux brûlants quelque chose sur cette table. On suit le regard de Thérèse et on découvre sur la table derrière le cendrier, le verre vide et le paquet de cigarettes que nous ne devons pas voir, un plateau. Sur le plateau, près du déjeuner auquel Thérèse n'a pas touché, une bouteille de vin vide. Thérèse, brisée, retombe la tête sur l'oreiller. À ce moment, on entend la voix forte de Baliante et la voix plus faible de Balion. Baliante, d'un jour à l'autre. Monsieur Bernard rentre d'un jour à l'autre. Balion, il faut que tu mettes de l'ordre dans ce parc à cochons. Baliante, de gré ou de force, il faudra qu'elle se lève. Baliante, sans frapper, entre. Son visage est dur, méchant. Elle porte sous le bras une paire de draps propres. Baliante pose les draps sur le lit, prend une chaise, la robe de chambre de Thérèse et sans une parole la lui présente, ouverte comme une cape de toréador. Docilement, mais avec effort et en évitant de rencontrer le regard redoutable de Baliante, Thérèse sort des draps. L'appareil est de l'autre côté du lit, Thérèse est de dos. Plantée devant elle, de face, farouche et muette, Baliante lui présente sa robe de chambre. Thérèse se met debout, elle flageole sur ses jambes. Baliante l'enveloppe dans la robe de chambre dont elle ne passe pas les manches. Travelling latéral le long du lit et jusqu'au fauteuil qui est au milieu de la chambre près d'un guéridon. On suit Thérèse qui, poussée et soutenue par Baliante jusqu'au fauteuil, tombe lourdement. Elle est de trois quarts face, Baliante qui revient vers le lit, sort du champ. Thérèse, dématérialisée, diaphane, détruite par la souffrance, cherche machinalement sur le guéridon, d'abord sans le regarder, son paquet de cigarettes. Et puis sa main retombe dans le vide. Son regard errant se pose alors sur la table hors champ qui est près de son lit. Il s'y fixe avec flamme. Baliante est près du lit qu'elle défait avec brutalité. Travelling avant rapide sur la table qui est à côté du lit. Baliante n'est plus dans le champ. On cadre en plan très rapproché sur la table le paquet de cigarettes à demi plein de Thérèse. Près du paquet, il y a le verre et le cendrier garnis de mégots. Des mégots traînent aussi à côté du cendrier. De la cendre est répandue. Thérèse regarde dans la direction des cigarettes hors champ et puis, très faible, sa tête sans appui s'incline sur son épaule cependant que ses yeux restent fixés sur le même point. Passant derrière Thérèse et allant vers une fenêtre hors champ, Baliante entre dans le champ par un côté et sort par le côté opposé. Elle entre de nouveau dans le champ et pour aérer cette pièce enfumée, elle ouvre la fenêtre qui donne sur la rivière. Puis elle se retourne de face et sort du champ par le côté opposé à son entrée. Dehors, c'est le soir proche de la nuit. On distingue encore la forêt embroussaillée, les arbres noirs sous la pluie ininterrompue. Thérèse est de trois quarts face. Elle frissonne, elle relève le col de sa robe de chambre, elle regarde du côté du lit hors champ. Baliante achève de faire le lit dont les draps sont changés. Elle ouvre le lit. Elle est suivie en panoramique. Elle vient vers Thérèse qui, sitôt que nous la découvrons, évite le regard de Baliante. Baliante ne desserre toujours pas les dents, elle soulève Thérèse qu'elle pousse jusqu'à son lit et l'aide à s'y coucher. Et puis Baliante sort du champ se dirigeant vers la fenêtre. On entend pendant ce mouvement la fenêtre qui est repoussée et les pas de Baliante qui revient vers Thérèse. On entend un bruit de verre sur le plateau qu'on enlève et les pas de Baliante qui se dirigent vers la porte. Silence. Baliante de face devant la porte fixe Thérèse hors champ. Elle porte les draps sales sur un bras ainsi que le plateau du déjeuner de Thérèse. Elle lui lance sur un ton d'une inquiétante augure. Cela, vous ne les brûlerez pas. Elle sort en claquant la porte. Thérèse dans son lit, la tête toujours un peu tournée, prise d'appréhension, elle regarde sur la table placée hors champ à côté du lit. Panoramique suivant Thérèse qui se penche sur la table que nous découvrons. Sur la table, il n'y a plus rien que le cendrier vide. Le paquet de cigarettes a disparu. Thérèse, le cou tendu, a un regard de détresse. Elle murmure « Mais si... Une sorte de panique s'empare de Thérèse. Elle regarde derrière la table, sous la table, et puis elle regarde vers la porte, hors champ, et fait le geste de se lever, mais épuisée, elle retombe sur son oreiller et elle ferme les yeux. Panoramique suivant le mouvement de son bras qui doucement glisse sur le drap et, jusqu'à un très gros plan, on voit sa main qui pend hors du lit. De son index maigre, Thérèse tape un petit coup nerveux sur une cigarette imaginaire dont elle fait tomber la cendre. On voit de nouveau son visage, elle a toujours les yeux clos, on entend les pas de Baliante qui revient, Thérèse rouvre les yeux, écoute et se tourne complètement de dos. On entend Baliante qui ouvre la porte de la chambre. Elle entre, elle porte un plateau sur lequel il y a un bol de bouillon fumant. Elle pose le bol sur la table, près du lit, et on découvre à nouveau Thérèse. Baliante est en avant-plan à la tête du lit. Toutes les deux de face, Thérèse sentant Baliante dans son dos à l'attitude d'un animal traqué mais en éveil. Immobile, son plateau sous le bras, la bonne Baliante sourit d'un petit sourire cruel qui va bien avec la méchanceté du regard qu'elle pose sur Thérèse. Narquoise Baliante demande à Thérèse « Alors, vous n'avez pas besoin d'autre chose ?» Baliante attend que Thérèse réclame ses cigarettes, mais Thérèse ne répond pas. Elle remonte légèrement et discrètement son drap sur son visage. Elle se cache, on ne voit que ses yeux. Baliante se dirige vers la porte. Thérèse n'est plus dans le champ. Baliante referme la porte de la chambre. Par la fermeture de la porte et le courant d'air, la fenêtre mal fermée par Baliante s'ouvre toute grande. Dehors, c'est la nuit presque complète. La pluie et le vent qui fait trembler les doubles rideaux. Thérèse regarde en direction de la fenêtre ouverte hors champ. Elle est sans courage pour se lever. Le corps ramassé, le drap tirée très haut, elle demeure immobile, recevant sur son visage le souffle glacé. Thérèse repousse un peu les couvertures, mais elle ne résiste pas au froid, elle se recouvre, et puis elle se découvre à nouveau, mais cette fois, elle résiste, elle claque des dents. Thérèse repousse complètement ses couvertures, grelottant de froid, elle découvre ses épaules. Nous sommes sur la petite terrasse de la maison des Desqueyroux. Par ce beau jour d'hiver clair et froid, Thérèse, chancelante au bras de Baliante, fait quelques pas sur la terrasse. Thérèse est d'une maigreur et surtout d'une pâleur de spectre. Elle est très couverte. Elle applique un mouchoir sur sa bouche. Baliante s'est bien radoucie. Elle dit d'un air réjoui à Thérèse « C'est quand même heureux !» Que Mademoiselle Anne se soit fiancée à Beaulieu avec le fils de Guilhem. Si madame consentait à se secouer un peu, il ne lui faudrait pas beaucoup de temps pour être sur pied. Faites un petit effort, madame, voyons, il ne reste que 4 jours avant le retour de monsieur. Et ils seront tous là, le fils de Guilhem, tout le monde. Je vais vous monter un beau petit blanc de poulet. Vous m'en direz, Thérèse, je n'ai pas faim. Et c'est le retour de Bernard, de la famille, et l'arrivée de Anne avec son fiancé, annoncée par Baliante. Thérèse regarde du côté de la porte hors champ, et puis elle se regarde dans son miroir. Elle se regarde avec étonnement, et avec une sorte d'épouvante, avec pitié aussi. Elle essaye un pauvre sourire. Elle murmure « Il ne faut pas que je lui fasse peur à ce garçon. » Thérèse se farde. Nous sommes dans le grand salon. De gauche à droite du cadre, Bernard, Madame de Latrave, le fils de Guilhem et Anne attendent Thérèse. Bernard bourre une pipe. Madame de Latrave déplace un guéridon et passe son doigt dessus pour voir s'il y a de la poussière. Cette activité terminée, Madame de Latrave ne sait plus quelle contenance prendre. Le fils de Guilhem s'intéresse à une gravure accrochée au mur à gauche de la cheminée et qui représente une bataille. Anne est à droite du cadre, de dos, face à la cheminée. De Guilhem vient devant la cheminée, à gauche d'Anne. Anne quitte sa place. De Guilhem est donc à droite du cadre, de dos. Anne va vers le mur du fond, passe devant le piano droit, placé contre le mur, et sort du champ par la gauche. Pour dire quelque chose, de Guilhem, en se frottant les mains et sans se retourner, remarque « Ces salons de campagne, Il ne faut pas essayer de les chauffer. Madame de Latrave se retourne vers de Guilhem, toujours de dos. Elle a un sourire embarrassé. Travelling avant jusqu'à ensemble rapprocher de Bernard à Madame de Latrave, désignant la porte hors champ vers la gauche, Madame de Latrave souffle à l'oreille de son fils. « Ne me demande pas de l'embrasser. On ne peut pas demander ça à une mère. » On voit Anne de trois quarts face. Elle revient vers la droite. Elle regarde avec indifférence les gens et les choses autour d'elle. Elle s'arrête devant le piano. Elle est de trois quarts dos. Elle lève le couvercle du piano et fait glisser son doigt sur la largeur du clavier. Monsieur de Latrave, en amorce d'eau, regarde à travers les vitres mouillées de la fenêtre. Il tambourine nerveusement. On voit le puits, les chênes, le paysage sous une forte pluie. De gauche à droite du cadre, Bernard, Madame de Latrave, Anne de Guilhem. Bernard garde à la bouche sa pipe bourrée, mais qu'il n'allume pas, qu'il mordille. Madame de Latrave est gênée pour tout le monde. Elle soupire. L'impatience devient de l'inquiétude. Anne, toujours de dos, s'est agenouillée sur le tabouret à vis du piano qu'elle fait tourner dans les deux sens, tout en promenant silencieusement son doigt sur le clavier. De Guilhem a redressé la tête. On le voit de face dans le miroir posé au-dessus de la cheminée qui observe Bernard. Soudain, Anne, doucement, frappe une note. Dans le silence, ce son rend évident, insupportable, l'attente, le malaise général. Madame de Latrave brusquement se retourne et regarde Anne. Anne aussi s'est retournée, elle regarde sa mère et puis de Guilhem qui la regarde. De Guilhem à son tour se retourne. Il est de trois quarts face et fixe Bernard avec insistance. Madame de Latrave surprend ce regard. On voit de Guilhem qui fixe toujours Bernard. Madame de Latrave regarde de Guilhem hors champ et vers la droite. Le regard plus qu'interrogateur de Guilhem à Bernard l'oblige à intervenir. Elle dit à Bernard indécis et qui tient sa pipe dans la main. « Tu devrais aller voir ce que fait Thérèse. Elle est peut-être plus mal. » Anne regarde vers la gauche, la porte. Hors champ, son regard est grave, secret. Elle dit à voix basse, « Je l'entends qui descend. » Pourtant, dans le salon, règne un silence de mort. Vestibule, escalier. Thérèse, presque de profil et de droite à gauche, comme un spectre descend l'escalier. Elle arrive dans le tournant, s'appuie à la rampe et regarde vers la droite, la porte du salon. Elle marque un temps d'arrêt. Il semble qu'elle n'atteindra jamais cette porte, tant est grand son épuisement. Et puis, elle se remet lentement en marche et sort du champ de face et par la droite. La porte du salon. On entend les pas lents de Thérèse qui se rapprochent. La porte s'ouvre. Thérèse apparaît dans l'encadrement de la porte. Chancelante, elle s'appuie au mur. Son regard est tourné vers la famille, hors champ et vers la droite. La famille debout, pétrifiée. Tout le monde regarde Thérèse. Au premier plan, Bernard, sa main comprime son cœur qui le fait souffrir. Voix du récitant. Bernard devait se rappeler, bien des années après, qu'à l'approche de ce corps détruit, de cette petite figure blanche et fardée, il pensa d'abord cour d'assises. Travelling avant sur Thérèse, exsangue, décharnée, et qui fixe toujours la famille hors champ jusqu'à gros plan de son visage terrible. Puis, gros plan, arrêt photographique, tirage en longueur de la dernière image de la prise précédente. Ce portrait arrêté de Thérèse donnera l'impression d'un flash anthropométrique. Voix du récitant, et puis, en une seconde, il revit. Là, on voit dans un jardin des cabinets en planches. C'est l'été, il fait un soleil radieux sur la porte des cabinets et percé un as de cœur. On entend le texte suivant du récitant. Et puis, en une seconde, il revit, avec ses yeux d'enfant, cette image du petit journal illustré qui ornait les cabinets en planches du jardin d'Argelouse. On voit le mur des cabinets tapissé de vieilles gravures d'illustrés. Sur ce mur, jauni, à demi déchiré, la couverture du petit journal illustré qui représente la séquestrée de Poitiers. Travelling avant jusqu'à plein cadre de cette image. On retrouve le grand salon. À travers les vitres mouillées de la fenêtre du salon, le paysage sous la pluie. Monsieur de la Trave n'est plus dans le champ, on entend la voix de Thérèse hors champ. Mais c'est très simple. Le mauvais temps m'empêchait de sortir. Alors j'ai perdu l'appétit, je ne mangeais presque plus. Mieux vaut maigrir qu'engraisser. Silence. Récitant. Thérèse suscitait le drame. Pire que le drame, le fait divers. Il fallait qu'elle fût criminelle ou victime. Après cette arrivée de Thérèse au salon, qui sème le trouble dans la famille, tout le monde repart, Bernard va rester seul avec Thérèse, mais il est maintenant vraiment très inquiet pour sa santé, et ils se retrouvent ensemble dans la salle à manger. En arrière-plan, dans la cheminée monumentale, un grand feu brûle. Sur la grande table, en tête-à-tête, Thérèse et Bernard déjeunent. C'est noté « voir ce qu'ils mangent ». Les pièces du service sont très belles, cristaux, nappes brodées, riches argenteries. Bernard n'est plus le même homme, il est aimable, prévenant. Thérèse, qui est très maigre et très pâle, n'est plus la Thérèse prostrée de la séquestration, elle est plus sereine. Ils poursuivent tous deux une conversation. D'une voix presque timide, Thérèse répond à Bernard. « C'est peut-être beaucoup. » Bernard, « j'ai dit tous les 3 jours. Il y a des femmes qui se pèsent bien plus souvent, et il ne s'agit même pas de leur santé. La santé, voilà à quoi il faut que vous pensiez avant tout. » Bernard se penche un peu en avant vers Thérèse. À voix plus basse, plus intime, il lui dit « ta santé. » Thérèse est étonnée d'être comme autrefois tutoyée par Bernard. Heureuse peut-être. Elle le regarde presque avec douceur. Silence. Bernard. Et puis il ne faut plus fumer. Enfin, presque plus. Mettons 2 cigarettes après chaque repas. Et puis marcher, beaucoup marcher. Nous allons bien finir par trouver un accommodement quelconque, tous les deux. Silence. Bernard mange et boit avec appétit, sans arrière-pensée, récitant. Thérèse retrouvait le Bernard du temps de l'instruction, l'allié qui voulait à tout prix la tirer d'affaire. Bernard dit à Thérèse, « Je vous demande d'attendre jusqu'au mariage d'Anne. Après, vous serez libre. » Thérèse. Libre, Bernard. Libre. Pas de divorce, ni de séparation officielle. Pourquoi compliquer les choses? On inventera pour le monde une raison de santé, par exemple que vous ne vous portez bien qu'en voyage, et puis chaque Toussaint, je vous réglerai vos gemmes, naturellement. Thérèse. Naturellement. Bernard, vous pourrez vous installer à Paris. Paris ? Irai-je vraiment à Paris ? Bernard, mais oui, pourquoi pas ? Thérèse, quand je serai à Paris, je vivrai à l'hôtel. Bernard, ou dans un petit appartement, ce serait plus convenable. Thérèse sourit à Bernard, elle baisse les yeux, récitant. Thérèse songeait que les êtres nous deviennent supportables dès que nous sommes sûrs de pouvoir les quitter. Nous retrouvons à Paris, au Café de la Paix, place de l'Opéra. C'est le printemps, il y a beaucoup de monde dans la rue. Bernard et Thérèse sont assis à la terrasse du café. Oui, ils ont devant eux des verres de Porto. Thérèse a aux lèvres une cigarette consumée, elle la jette par terre. Puis on voit le pied de Thérèse qui écrase la cigarette avec beaucoup de soin. Bernard lui dit, Vous avez peur de mettre le feu au trottoir. Thérèse, je voulais vous demander... Je voudrais savoir... C'était parce que vous me détestiez? Parce que je vous faisais horreur? Thérèse, ne savez-vous pas que c'est à cause de vos pains? Oui, j'ai voulu posséder seuls vos pains. Bernard, je ne le crois plus si je l'ai jamais cru. Pourquoi avez-vous fait cela? Vous pouvez bien me le dire maintenant. Thérèse, il se pourrait que ce fût pour voir dans vos yeux une inquiétude, une curiosité, du trouble enfin. Tout ce que depuis une seconde j'y découvre. Bernard, vous aurez donc de l'esprit jusqu'à la fin. Sérieusement, pourquoi? Thérèse, un homme comme vous, Bernard, connaît toujours toutes les raisons de ses actes, n'est-ce pas? Bernard, sûrement. Sans doute. Du moins, il me semble. Thérèse, moi, j'aurais tant voulu que rien ne vous demeurât caché. Bernard, enfin, il y a eu tout de même un jour où vous vous êtes décidé, où vous avez fait le geste. Thérèse, oui, le jour du grand incendie de Manon. Voici comment cela est venu. C'était dans la cuisine. Vous mangiez debout. Vous parliez, la tête un peu tournée vers ces deux hommes qui vous alarmaient, oubliant de compter les gouttes qui tombaient dans votre verre. Thérèse ne regarde pas Bernard, mais elle l'entend rire, elle le dévisage. Il dit, alors l'idée vous est venue comme cela, tout d'un coup, par l'opération du Saint-Esprit. Thérèse, écoutez Bernard, ce que je vous en dis, ce n'est pas pour vous persuader de mon innocence, loin de là. Avec quelle lucidité, quelle ténacité j'ai poursuivi mon dessein. Je cédais à un affreux devoir, oui, c'était comme un devoir. Bernard, en voilà des phrases. Essayez donc de me dire une bonne fois ce que vous vouliez. Je vous en défie. Thérèse, je ne voulais pas jouer un personnage, faire des gestes, prononcer des formules, renier enfin à chaque instant une Thérèse qui... Comment se fait-il que tout ce que je vous raconte là rende un son si faux? Bernard, parlez plus bas, hein, monsieur qui est devant nous. Thérèse. Mais maintenant, Bernard, je sens bien que la Thérèse qui aimait compter ses pains elle-même, la Thérèse qui était fière d'épouser un d'Esquerou, de tenir son rang au sein d'une bonne famille de la Lande, cette Thérèse-là est aussi réelle que l'autre, aussi vivante. Il n'y avait aucune raison de la sacrifier à l'autre. Bernard, quel autre? On voit que Bernard souhaite d'en finir, il regarde sa montre. Thérèse, il faudra pourtant que je revienne quelquefois pour mes affaires et pour Marie. Bernard, quelles affaires? C'est moi qui gère les biens de la communauté. Nous ne revenons pas sur ce qui est entendu, n'est-ce pas? Vous aurez votre place à toutes les cérémonies officielles où il importe que l'on nous voie ensemble. Dans une famille aussi nombreuse que la nôtre, les mariages ne manquent pas, Dieu merci, ni les enterrements. Pour commencer, ça m'étonnerait que l'oncle Martin dure jusqu'à l'automne. Ça vous sera une occasion, puisqu'il paraît que vous en avez déjà assez. Bernard consulte à nouveau sa montre. Midi 20, le temps de passer à l'hôtel. Bernard vide son verre, Thérèse vide le sien. Leurs regards se rencontrent. est là pour Bernard, des yeux pleins d'une tendresse blessée, elle lui sourit. Voix du récitant. Thérèse eut ce sourire qui, autrefois, faisait dire aux dames de la lande « On ne peut pas prétendre qu'elle soit jolie, mais elle est le charme même. » Si Bernard lui avait dit « Je te pardonne, viens », elle se serait levée, l'aurait suivie. Mais Bernard a le visage fermé, il sort des allumettes de sa poche et allume sa pipe. Thérèse hésite et puis, se penchant légèrement en avant, elle dit à Bernard, en baissant la voix, « Je veux une dernière fois vous demander pardon, Bernard. » Bernard, « N'en parlons plus. Thérèse, mieux vaudrait pour vous que je sois morte. » Bernard, ne vous en faites pas pour moi. Chaque génération de Desqueyroux a eu son vieux garçon. Je regrette seulement que nous ayons eu une fille à cause du nom qui va finir. Bernard se lève. Thérèse met la main sur ses gants, posée sur son sac. Mais Bernard fait signe à Thérèse de ne pas bouger et lui dit « Ne vous dérangez pas. » Il appelle un taxi. Thérèse n'est plus dans le champ, et puis Bernard s'arrête, il se retourne, il est de face et fait quelques pas vers Thérèse, hors champ et vers la droite. Thérèse regarde Bernard hors champ. Pour la seconde fois, un rayonnement d'espoir se lit sous son visage, elle esquisse le geste de se lever, mais elle s'immobilise. Bernard, arrêté, lui dit « Je vous rappelle que les consommations sont payées. » On voit Bernard au moment de monter dans la voiture, des pigeons à ses pieds s'envolent. Il les regarde s'envoler et puis il monte dans la voiture. Le taxi démarre. Thérèse baisse la tête, elle se penche et fixe avec insistance quelque chose dans le verre de Bernard. On voit sur la paroi du verre une goutte de Porto restée en suspens. Le doigt de Thérèse recueille la goutte. Elle regarde son doigt comme fascinée. Un garçon passe derrière elle, elle l'appelle. « Garçon, un autre Porto. » Il s'éloigne. Elle regarde autour d'elle. Elle voit un jeune homme seul qui lui sourit. Thérèse regarde le jeune homme. Elle baisse les yeux, regarde son sac, l'ouvre, sort son poudrier et se farde. On est sur le boulevard des Capucines. Dans un miroir d'Old England, on voit le kiosque à journaux et la foule des passants qui se presse sur le trottoir. Thérèse entre dans le champ, elle s'arrête devant le miroir, s'approche et se regarde. C'est un très gros plan sur Thérèse, en amorce de dos, on voit son image. Elle se détaille dans le miroir, elle voit son visage comme rongé, son pathétique reflet. Elle pense « Je n'ai pas d'âge ». Thérèse se retourne, elle marche. Dans le bruit, l'animation de Paris, le flot des passants qu'elle croise, Thérèse sourit comme une bienheureuse. Voix intérieure. Ce n'est pas la ville de pierre que je chéris. C'est la forêt vivante qui s'y agite et que creusent des passions plus forcenées qu'aucune tempête. Le gémissement des pins d'Argelouse, la nuit, n'était émouvant que parce qu'on l'eût dit humain. Rue Royale, on voit la foule qui circule sur le trottoir, en découverte en arrière-plan la place de la Concorde. Thérèse entre dans le champ, voix du récitant. Thérèse. Thérèse continue de marcher. Thérèse. Thérèse, interpellée, s'arrête et brusquement se retourne. Elle regarde vers l'appareil, elle regarde autour d'elle, mais autour de Thérèse, c'est la foule anonyme, indifférente. Thérèse reprend sa marche. Elle s'éloigne et disparaît dans la foule, cependant que la voix du récitant poursuit. J'aurais voulu que la douleur, Thérèse, te livre à Dieu. et j'ai longtemps désiré que tu fusses digne du nom de Sainte Locuste. Mais plusieurs, qui pourtant croient à la chute et au rachat de nos âmes tourmentées, eussent crié au sacrilège. Du moins, sur ce trottoir où je t'abandonne, j'ai l'espérance que tu n'es pas seule. La Centrale catholique du cinéma a émis quelques réserves sur l'adaptation de Franju, ce qui n'a pas dû tellement l'étonner. Il a néanmoins réagi lorsqu'il a connu la teneur d'un texte que la Centrale catholique conseillait de lire à la projection. Emmanuel Riva nous lit ce texte. Ce film impose deux remarques. Premièrement, le metteur en scène Georges Franju a transposé l'histoire des Desqueyroux en 1962 tout en conservant les dialogues de François Mauriac de 1925. Si bien que toute cette famille, fermée sur elle-même comme il y a 40 ans, s'exprime selon les préjugés de cette époque. Deuxièmement, Franju a supprimé de cette œuvre de Mauriac toute référence au spirituel pour ne laisser que les critiques sur l'extérieur d'un culte qui paraît de ce fait vider de toute vie intérieure. Cela est sensible notamment pendant ma procession, pendant la procession et pendant la messe d'enterrement, mais surtout au moment de la tentative de suicide de Thérèse. Celle-ci supplie Dieu d'arrêter son geste avant que ce soit trop tard. Alors, à l'instant même, l'annonce de la mort subite de Tante Clara arrêtait la main de Thérèse. Bon, alors voilà. Cette prière supprimée dans le film, la mort de Tante Clara n'est plus qu'une simple coïncidence. Bon, alors j'insiste sur le fait que ceci, pour moi, Thérèse est un personnage exemplaire. C'est-à-dire, je répète, un personnage méditatif qui appartient donc à la littérature moderne, un personnage insurgé qui appartient à la littérature classique. Bon, c'est donc pour moi un personnage complet. Et c'est le personnage de François Mauriac que, pour que cette Thérèse soit punie et qui n'est pas croyante, on fasse mourir Tante Clara qui est croyante, je trouve ça incroyable. Thérèse est sauvée du suicide par la mort de Tante Clara, qui est croyante. Voilà une chose que je ne comprendrai jamais dans la communion des saintes. Comme dirait ce vieux mort, comment s'appelle l'homme qui avait un œil fermé comme François Mauriac, Daniel Robs. Ils ont toujours un nom qui leur manque. Ils ont un œil. Daniel Robs, un œil fermé. Je disais ça un jour, on s'appelle le philosophe du Figaro. Aaron, c'est tout de même curieux. Et je connais bien trois grands chrétiens. Pierre Jean Jouve, un œil presque fermé. Coco Belœil, François Mauriac. Quant à Daniel Robs, c'était complètement aveugle. Et je disais, ce jour-là, là, je vous l'enregistrer, à une réunion de la Centrale catholique, à Aaron, du Figaro, c'est tout de même curieux, tous ces grands chrétiens ont les yeux fermés. Cette émission a l'ambition de vous aider à mieux connaître un cinéaste en découvrant ses méthodes de travail au niveau même du scénario. Mais j'aimerais vous faire partager aussi ma découverte de l'homme. Avant d'enregistrer en studio la présentation que vous avez entendue le mois dernier, nous avons fait en quelque sorte une répétition un soir chez Franju avec Emmanuel Riva, tablé devant quelques canettes de bière, et Franju me pardonnera de diffuser des fragments de ce brouillon de travail. Mais ces fragments me semblent très précieux. Cet homme en liberté, au langage franc et parfois rude, capable à la fois de lyrisme et d'un esprit critique souvent acerbe, m'a fait penser à un écrivain que je ne connais qu'à travers ses livres et aussi un disque, Louis-Ferdinand Céline. Ces ciels d'orage et ciels bas qui sont vraiment la signature de Franju. C'est l'orthochromatisme. Quelle en est l'origine? C'est la Bretagne? Oui, sûrement. C'est mon amour des fantômes et mon horreur de Dieu. J'ai tout vu, j'ai tout compris, très vite. Heureusement, j'avais un père ivrogne et une mère folle, ce qui m'a sauvé. M'a laissé libre tout le temps. Tout le temps. Ah, je n'ai jamais été à l'école, je ne m'en souviens pas. J'aurais pu faire l'assassin. Mais j'ai eu heureusement des troubles mentaux. Et je lisais Freud et le Marquis de Sade quand j'étais petit. Et j'aimais une petite fille. Mais j'étais con. Je n'ai jamais été capable de dire à une jeune fille « Je vous aime » en la regardant. C'était timide. Mais c'est tout. Regarde avec ses yeux. Mais je peux vous le dire maintenant. Avant, je pouvais pas. C'est ça la jeunesse. Des cons. Et alors, ça, c'est d'une violence incroyable. Alors, j'ai été décorateur. J'ai fait mon régiment. J'ai servi en Tunisie. J'étais croûté de merde. Bon, bah, je voulais marcher. Mais comme d'une façon absolument statique. J'avais peut-être l'air moins con que les autres. Vous avez l'air intelligent. J'ai l'air intelligent. Je m'emmerdais. Alors, ben, intelligent, il s'emmerdait. Bon. Alors, je ne marchais pas. Je voulais marcher au régiment en 32, en Tunisie. Je n'ai pas brûlé. Pas du tout. J'ai fait des décors, tout le temps. Pour vous raconter ma vie, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai fait des décors, tout le temps. Bon, je payais. Et alors, j'étais depuis l'âge de 18 ans, malade. C'est-à-dire que je me sentais plus. À force de faire l'introspection, que je connais bien, je me livrais aux exercices suivants. Par exemple, je vois Emmanuelle Rivard. Je l'accompagne à la gare. Elle part. C'est pas un sentiment, c'est une sensation que j'ai. Et je m'imagine qu'elle revient. C'est plus la même Emmanuelle Rivard. Je ne la reconnaissais plus. C'est pire que. Rien, croyez-moi. Et ben, j'y arrivais. Je détruisais toutes mes sensations. Ah oui, j'en ai chié. Hein. Et encore maintenant, ça recommence. Ça recommence depuis 15 jours. Je vois plus. C'est pas pareil. Je suis pas là. Bon, pas. Puis en plus, je mets un écran. Bon, il faut que je prenne. Tac. Il faut que tout soit vu superficiellement et que je compose comme une pile relativement à une dynamo. C'est-à-dire que le psychisme, pour moi, c'est ça, c'est très simple. C'est une batterie d'accumulateurs qui alimente une dynamo. Bon. Ce qu'on appelle la psychasthénie ou la tristesse, c'est-à-dire que la dynamo ne marche pas, mais la pile est là. Imaginez que la pile soit à plat, elle est morte si vous êtes cuit. C'est ce qui m'arrive. Plus de pile, plus de dynamo. C'est tout, c'est simple. Je dis ça à la corde, c'est vrai. Bon. Et à l'époque, j'allais tout le temps au cinéma parce que ma vie intérieure était tellement dans ce que tout ce qui se passait autour de moi à cause de l'amour que j'avais pour cette petite fille, alors que j'étais con, insolent, abusé, bref, était une espèce de projection. Or, la projection, c'est le cinéma. Je passais ma vie au cinéma. C'est-à-dire que quand je voyais un écran éclairé, à 16 ans, à 17 ans, je me disais, est-ce que c'est beau la vie? C'était moi, c'était l'introjection, c'était une image. C'est ça que je dis, tout est présent, c'est immédiat, c'est genre. Et alors, quand je voyais les gens, je pleurais. J'étais plus dans la vie. C'est pour ça que je n'ai pas besoin d'un psychanalyste. Voilà, un beau ciel d'orage. Ça. Qu'est-ce que c'est qu'un ciel d'orage? C'est une projection lumineuse pour moi. Et admirable. Ça représente, en plus triste, ce que j'ai à l'intérieur. Je veux dire qu'on ne peut pas répondre à une tristesse par une joie. C'est comme si, à l'intérieur d'un corps atteint de leucémie, vous faisiez une perfusion de sang jeune, vous le tuez. Donc, il faut chasser un mal par l'autre et pas un mal par une joie. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Quand je suis emmerdé, quand je cherche une autre obsession pour chasser la première obsession, jamais de joie. J'ai pas de joie chez moi, jamais. La joie, c'est moi. Ça appartient pas aux autres. C'est amusant parce que je ne vous connaissais pas, Franju, et nous vous rencontrons aujourd'hui. Et comme toutes les rencontres, c'est toujours un petit peu tâtonnant comme toujours, ça. C'est toujours et décimal, comme dirait l'autre. C'est décimal et décisif. Mais maintenant que je vous vois, je pense à une chose, je sais pas si ça vous fera bondir, mais je me dis que s'il y a quelqu'un qui devait. Si vous pensez à une chose, pensez à rien. Parce quelque que chose qui devait. Oh, putain, je me casse le tronc à lui expliquer des choses. S'il y a quelqu'un qui devrait adapter au cinéma Le Voyage au bout de la nuit, j'ai l'impression que c'est vous. On me le propose, mon pauvre vieux. Oui. Non, pas de celui-là. On ne propose pas Le Voyage au bout de la nuit. On propose quoi? Le suivant. Mort à crédit? Oui. Mais j'ai l'impression que c'est un univers que vous devez comprendre, car à la fois cette timidité, cette violence qui éclate par moments, enfin, c'est ça, bon. Céline? Non. Bon, mais Céline était très bien dans le temps, quand je le connaissais. C'est devenu une salourdure, il faut bien le dire, un gâteux, fait chier. Alors ça devient. On dit Frangy est un anarchiste de gauche. Godard est anarchiste de droite, mais ils ne sont pas du tout Godard. Moi, je suis communiste d'abord, non pas anarchiste de gauche. et je crois au fond. Histoire sans images. C'était une émission de Michel Pollack. Aujourd'hui, Thérèse Desqueyrou, deuxième partie, avec Emmanuel Riva et Georges Franju. Assistante de réalisation, Annie Cœur-Devet. Cette émission a été diffusée la première fois le 24 juin 1967 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Children need a game to play to while away the hours. Winning, losing, games of conquest, demonstrating powers. But if you play a game of love, you always have to lose. Broken hearted lovers, the story of the blues. A heart is not a toy that's made to play with. A heart is made of skins of purest gold. A heart is not a toy, a child's amusement. I'll need my heart to keep me from the cold. Have you ever known a lonely heart that's broken? A lonely heart with no more dreams to share. A heart that doesn't love anybody, that turned itself to stone, not to care. Broken hearts are always blamed on lovers, but it wasn't love that broke a heart in two. It was over long before it ended, with stolen dreams that never did come true. So be careful when you tell yourself a story. It's better not to tell yourself a lie. Life is full of wonder, there is glory. You don't have to wait till you die. Hearts of gold were made to touch the sky. Hearts of gold were made to touch the sky.